Il y a quelques jours ou quelques semaines, tout dépend du moment où j'arriverai à sortir la vidéo, nous étions le 8 mars 2020. Une date importante qui devrait marquer chaque individu de par sa non-pertinence, la journée de la femme. Alors oui, je trouve ça débile qu'il n'y ait qu'une seule journée pour que les femmes osent parler de leurs conditions de vie actuelles. On devrait voir ça tout le temps et que chaque être humain soit conscient que les femmes sont très désavantagées par rapport aux hommes dans notre société actuelle. Bon, après, la journée de la femme, ce n'est pas du tout une mauvaise initiative en soi. Au contraire, je trouve ça génial que toutes les femmes se sentent plus uniques que jamais et osent prendre la parole sur des sujets qui fâchent. Mais la plupart du temps, après cette journée salvatrice d'enseignement et de constatation, on entend beaucoup moins les femmes réagir à des sujets qui pourtant les touchent personnellement. Oui, vous l'aurez sans doute compris, je suis féministe, et juste le fait de le dire en font fuir certains. Être féministe, ce n'est pas du tout de gueuler sans arrêt sur les hommes et leur faire comprendre que ce sont des gros connards égocentriques. Être féministe, du moins pour ma part, c'est le fait de comprendre ce que les femmes subissent chaque jour et de ne pas trouver ça normal du tout. Et surtout de défendre avec les femmes en tant qu'hommes leurs paroles et leurs idées. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une définition universelle, mais de mon côté, je me sens concerné par leurs problèmes. Et quand j'essaye de me mettre à leur place, ce qui n'est pas vraiment chose facile à faire pour un homme blanc comme moi qui n'a aucun problème de ce genre dans la vie au quotidien, je me sens de suite plus fragile, voire plus faible devant des situations qui ne me poseraient normalement aucun problème en tant qu'homme dans la vie de tous les jours. Et c'est sans doute là la cause de mon parti pris, car je suis un féministe convaincu depuis que j'ai parlé à de nombreuses femmes sur des sujets difficiles que personne ne traite véritablement bien et que cela me touche en plein cœur. Et ça me peine de vivre dans un monde où les femmes sont obligées de se battre pour exister aux côtés des hommes qui les laissent souvent de côté. Mais comme la Play Culture est une chaîne de critique de jeux vidéo, nous allons encore une fois parler de la place des femmes dans ce média. Oui, une seconde fois car j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années sur ce sujet. Cette dernière a beaucoup plu, mais j'ai maintenant beaucoup plus d'arguments pour me faire encore un peu plus entendre. Et surtout, depuis que j'ai amélioré mon contenu avec ma critique sur Persona 5, je trouve qu'elle est totalement à refaire et qu'il est temps de vraiment rentrer dans le vif du sujet plutôt que de l'effleurer. Avant de commencer véritablement à vous parler de tout ça, je dois vous parler de 2-3 petites choses. Déjà, pour m'aider à faire cette vidéo, je m'appuie sur un podcast très sympathique qui a été publié sur la chaîne YouTube de Gameblog pour la journée de la femme qui s'intitule « Mixité et jeux vidéo en 2020 », où 4 femmes qui, issues d'un parcours différent dans le monde du travail du jeu vidéo, abordent des sujets parfois délicats. Ce qui est intéressant dans ce podcast, c'était de voir l'avancée que le jeu vidéo a pris sur la place des femmes dans ce média plus que lucratif. Elles y constatent des bonnes, comme des mauvaises choses. Et pour ça, qui est mieux placé que des femmes pour en parler? Donc je vous invite à aller écouter ou voir ce podcast vidéo qui est bien sûr disponible dans la description. Plusieurs de ces femmes font partie de l'initiative Woman in Game, qui est une association qui vise à la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Donc si vous êtes une femme et que le jeu vidéo vous intéresse de près ou de loin, le site Woman in Game peut vous conseiller sur vos projets. Ou juste, si vous avez des questions vis-à-vis de l'avancement des femmes dans le jeu vidéo, elles se feront, je pense, un plaisir de vous répondre. Tant que j'y suis, je précise un truc vite fait. Je ne suis pas payé pour faire de la promo pour Woman in Game. Je n'ai aucun lien avec elle pour le moment. Et puis moi, l'argent, vous savez, c'est pas mon truc. Par contre, ce super hoodies Woman in Game, oulala, ça me parle. Bref, pas la peine de me saouler dans les commentaires. J'aime Woman in Game, donc j'en parle. Point. Mais commençons sans plus tarder avec quelque chose que je n'ai pas traité dans ma précédente vidéo. La sexualisation des femmes dans le jeu vidéo. Malgré que plusieurs personnages féminins marquants de l'histoire du JV sont désormais des icônes aux yeux de tous, à l'instar de Chun-Li, Lara Croft, Faith, Bayonetta ou encore Jade de Beyond Good and Evil, beaucoup d'entre elles sont des fois sexualisées à l'extrême. De suite, on pense à Lara, qui comme de par hasard possédait une poitrine un peu trop grosse dans le jeu Tomb Raider de 1996. La légende dit que la poitrine de Lara devait être diminuée de 50%, mais qu'à cause d'une erreur en interne, elle a en fin de compte augmenté de 150%. A mon avis, cette petite erreur était surtout là pour vendre un peu plus de Tomb Raider à sa sortie. Car c'est bien connu, pour qu'un personnage féminin s'impose en personnage principal, il lui faut des gros attributs. Sinon, vous comprenez, personne n'achètera ce jeu qui ne paye pas de mine. Second degré, putain! Ou comment oublier tous ces personnages de jeux de combat qui... Non mais bordel, et le fait tu fais comment pour te battre avec ces deux gros machins? Et puis merde quoi, Ivy qui prend un bonnet en plus à chaque nouvel opus de Soul Calibur? Genre une femme ne peut que se battre en petite tenue? Et puis paye ta nuisette de nuit de Xangua quand elle prend trop de dégâts? Et puis comment oublier la tenue de Juri dans Street Fighter qui est passée de survêt stylisée dans le 4 à cuir moulant, dégueulasse, bien provoquant pour rien dans le 5? Oui, je gueule, et alors? C'est pas normal! Bon, c'est surtout que je suis fan de jeux de combat, et que de voir ça me gêne vraiment de la progression de l'image de la combattante, indépendante et forte, qui casse la gueule à tout le monde, qu'on nous vend avec tous ces personnages beaucoup trop sexualisés, pour un rien. Alors oui, en tant qu'homme, il y a des personnages qui me plaisent de par leur physique. On va reprendre l'exemple de Juri, mais dans Street Fighter 4, je la trouvais magnifique de par son style unique qui sortait du lot. Il n'était pas provoquant pour un sou. De son style se dégageait un esprit combatif de dingue. Mais dans le 5, vous le voyez, son esprit combatif, vous? Car moi, pas du tout. Capcom a quand même réussi l'exploit de sexualiser une combattante qui ne l'était pas de base. Après, il n'y a pas que les jeux de combat qui excellent dans les personnages féminins beaucoup trop sexualisés. Car nous avons aussi les JRPG qui, eux, explosent le compteur de petites tenues qui fait office d'armure ou de tenue de combat. Toubi, Tifa, Priya, Vanille, la moitié du casting de Fire Emblem et tous ces obscurs JRPG qu'on n'aura jamais en France qui mettent en avant des femmes beaucoup trop dénudées pour une aventure de la sorte. Et c'est là où nous sommes en droit de se poser cette question. Doit-on sexualiser les personnages féminins du jeu vidéo pour que ça se vende? Alors, j'aurais pu répondre oui il y a quelques années de ça. Il n'y a qu'à voir la gueule de quelques jaquettes de jeux vidéo pour voir que plus c'est gros, plus ça se vend. Mais maintenant, en 2020, peut-on en dire autant? Eh bien, je ne pense pas. Même s'il y a encore beaucoup de choses à faire avant d'arriver à un statu quo entre les hommes et les femmes digitalement représentés dans nos jeux vidéo, nous sommes maintenant capables de dire que la sexualisation de nos protagonistes féminines commence à se faire de plus en plus rare, surtout quand on parle de femmes fortes. Un bon exemple à suivre, c'est Naughty Dog avec leur The Last of Us 2. Même si le jeu n'est pas encore sorti à l'heure où j'écris ces lignes, on y voit une femme combative et brisée en la personne de Ellie suite aux événements du premier jeu. Ellie n'est pas une beauté fatale qui fait tomber tous les hommes qu'elle croise à ses pieds, en preuve le thriller où elle embrasse sa copine ou son crush comme disent les jeunes. Ellie n'est pas une personnage qui fait plaisir aux yeux du point de vue beauté, on dirait juste une fille un peu banale qui essaye tant bien de mal de survivre dans ce monde rempli de zombies et d'injustice. Amara dans Borderlands 3, à l'inverse des autres sirènes présentées dans les précédents opus de la série, est très différente d'une sirène de base qui est très attirante. Il suffit de regarder Maya ou Lilith pour se dire que, obligatoirement, une sirène est mince avec une bonne poitrine et un beau postérieur. Mais non, Amara est belle à sa façon avec sa musculature saillante qui fait pâlir n'importe lequel des ennemis dans le jeu. Faye est aussi une femme iconique du jeu vidéo actuel qui n'est pas sexualisée pour un sou. Elle est juste en habit de sport stylisé à l'extrême pour pouvoir lutter contre le système qu'elle combat. Pareil pour tous les personnages féminins qui entourent Kiryu dans les jeux Yakuza. Alors oui, elles sont jolies pour flatter l'œil, mais comment passer à côté de Reina, la gérante du Serena Bar qui possède un charisme de folie et qui prend soin de ses deux Yakuza préférés en leur prodiguant des conseils de vie et en les aidant dans leur folle histoire de clan quand elle le peut. Mais alors que dire de tous ces jeux qui mettent la sexualité de leurs protagonistes en avant exprès? Les jeux Catherine et Bayonetta sont deux très bons exemples. En aucun cas, les trois femmes qui entourent Vincent dans Catherine ne sont sexualisées juste pour vous plaire. Elles sont là pour remettre en cause votre fidélité à votre femme dans le jeu. C'est assez simple à expliquer. Il suffit juste de comparer Catherine avec les deux autres Catherine pour piger un peu le truc. La première est votre petite amie depuis un petit moment. Vincent entretient une relation de couple qui commence pour lui un peu à tourner en rond à cause de la routine. Mais tout change quand il apprend qu'il a mis enceinte sa promise. Il doute, stresse et cherche à s'émanciper. Et c'est là où il fait la rencontre de Catherine avec un C, qui se trimballe tout le temps en petite tenue que Vincent affectionne particulièrement, car elle est en fin de compte l'exact opposé de Catherine avec un K en tout point. Physiquement, elle lui propose autre chose de plus croustillant, car une inconnue attire plus que la copine que l'on connaît déjà. Et psychologiquement, Catherine avec un C voit la vie d'une autre manière par rapport à Catherine avec un K. Et dans tout ce bomberdier arrive encore une autre Catherine, et cette fois avec un Q, qui est encore l'exact opposé des deux autres filles que Vincent n'a jamais encore connues, le kawaii. Toute cette sexualisation est bénéfique au jeu pour que le joueur se perde avec Vincent et mette en doute ses convictions. La sexualisation de la femme sert l'histoire. On peut aussi faire l'exact opposé en mettant une femme qui essaye de se sortir avec trois Vincent. Le Vincent que l'on connaît, qui sort avec Catherine, un autre Vincent beau et musclé, et un troisième plus timide, plus simple, plus mignon dans sa personnalité et son physique. C'est bien pour cela que je n'ai jamais entendu de plainte sur le jeu alors que ses personnages féminins y sont beaucoup sexualisés. Catherine est différent de tous ces jeux qui mettent des femmes en protagoniste principale. Mais il y a aussi un autre jeu qui le fait tout aussi bien mais en étant quand même un poil plus subtil, ce sont les jeux Bayonetta. Tout le monde connaît cette personnage iconique du jeu vidéo, femme sublime habillée seulement par ses cheveux qui se dénude souvent pour faire de fortes attaques et se vante tout le temps d'une danse sensuelle quand elle tue ses ennemis ou bien quand elle les torture d'une manière assez sadique, tout en se déplaçant en roulant bien des fesses comme si elle faisait un défilé de mode. Mais pourtant, Bayonetta est arrivé au même moment où les consciences des joueurs et des créateurs de JV commençaient à se questionner sur l'aspect de la femme dans le jeu vidéo. Bayonetta aurait pu passer pour une connasse qui ne s'accapare que la lumière des projecteurs de par ses attributs. Mais il n'en est rien. Plusieurs femmes que j'ai questionnées qui font partie de mon entourage aiment bien Bayonetta malgré sa sexualisation très poussée. Mais alors pourquoi ? Car Bayonetta n'est pas du tout une énième Peach en détresse à sauver. Elle est magnifique, sexy, oui, mais surtout elle botte le cul à des anges et à des dieux, et sans aide. Enfin, si, elle se fait aider par Jeanne, une sorte d'opposé parfait à Bayonetta, mais qui possède aussi ce physique très attirant de la grande femme dans une combinaison composée entièrement de cuir. Et quand elle croise des hommes qui sont de son côté, ce sont souvent des hommes qui respectent Bayonetta en tant que femme. Au grand jamais, Rodin, malgré qu'il visite l'enfer souvent pour nous trouver des armes, ne drague ou ne manque de respect à Bayonetta, car il sait que c'est une femme forte qui n'a pas besoin d'hommes pour réussir dans sa vie. Et dans la plupart du temps, les hommes dans Bayonetta sont souvent des caricatures d'eux-mêmes. Arrogant ou vantard, Bayonetta n'aura qu'à dire quelque chose de sensé pour qu'ils regrettent amèrement leurs paroles. Et en même temps, Bayonetta est accompagnée d'une petite fille qu'elle protège, pour vous dire à quel point la femme est bien mise en avant dans le jeu. Tiens, c'est bizarre, mais ça me rappelle quelque chose. Un protagoniste qui est accompagné d'une petite fille qui doit la protéger et qui évolue au fil du jeu. Je digresse, revenons à notre sujet principal. Voilà pourquoi Bayonetta est très appréciée et qu'elle casse cet aspect de la femme sexy pour un rien. La sexualisation de Bayonetta est clairement assumée et c'est même drôle. On ne rit pas de elle, mais on rit avec elle, car elle aussi se moque de sa propre personne. En témoigne cette séquence de jeu où elle voit son double et qu'elle entame une battle de danse très sensuelle pour savoir qui est vraiment la vraie Bayonetta. Et si en tant que femme, vous vous sentez agressée par Bayonetta de par son physique et que vous avez boycotté le jeu pour ça, vous avez fait une grave erreur, et je vous conjure de jouer à ces deux jeux magnifiques qui vous en apprendront beaucoup plus sur le féminisme en lui-même. Mais si Bayonetta est devenue une modèle, pourquoi Lara Croft a endossé beaucoup trop souvent ce rôle de la femme sexualisée pour un rien? Car elle l'était en fin de compte. Lara en 1996 ne faisait pas passer un message fort aux joueuses du monde entier. Au contraire, le message était plutôt « Hey, t'as vu comment je suis trop belle? Et si tu l'es pas autant que moi, tu pourras pas vivre toutes ces aventures palpitantes !» Heureusement que des aventurières comme Jade ont su redonner les lettres de noblesse à la femme en tant que héroïne du jeu vidéo. On peut aussi citer Elisabeth de Bioshock Infinite qui est elle aussi la personnage principale de ce Bioshock, malgré qu'on ne la joue pas. Dans Bioshock Infinite, tout tourne autour de Elisabeth. Même si Booker DeWitt tire à tout va, c'est bien elle qui le protège. Un peu comme pour Ellie dans The Last of Us. Une relation d'égal à égal se construit au fur et à mesure que le jeu avance entre Joël et Ellie. Eh bien Booker et Elisabeth ont cette même relation d'égal à égal. L'homme et la femme prennent en égal leur partenaire de sexe opposé et il se trouve des forces et des faiblesses que l'autre peut compléter. Et c'est aussi pour ça que The Last of Us a marqué beaucoup de femmes et cela se comprend, car cette relation d'égal à égal n'était pas encore beaucoup traitée par le média du jeu vidéo. Mais depuis quelques années, les consciences se sont enfin éveillées. Il n'y a qu'à voir les personnages de Mortal Kombat qui sont beaucoup moins sexualisés qu'auparavant. On a enfin aussi pu voir au premier plan la commandante Shepard sur la boîte de Mass Effect 3 qui se retrouve sur toutes les jaquettes de jeu car elle est réversible. Les personnages féminins de League of Legends sont de moins en moins sexualisés elles aussi. Il suffit de voir Jinx ou Xayah qui sont juste de belles femmes sans gros attributs mais qui sont surtout des combattantes qui en veulent. La femme dans le jeu vidéo n'est plus cette demoiselle en détresse qu'a instauré ce vieux Nintendo. Maintenant, elles se battent enfin pour leurs convictions et n'ont pas besoin d'un homme à leur côté pour les aider ou les mettre en avant. Alors oui, il y a encore beaucoup de choses à redire dans la sexualisation de la femme dans le jeu vidéo. Mais il ne faut jamais oublier de mentionner le progrès pour encourager tout ce mouvement à encore continuer de bousculer les règles établies. Continuons de lutter et de souligner les choses qui ne vont pas, mais surtout continuons à féliciter les avancées sur ce sujet. Ah, ça serait beau de finir cette vidéo comme cela, remplie d'espoir pour l'avenir des femmes dans le jeu vidéo, tout ça, tout ça. Ouais. Bah la vidéo est encore loin d'être finie, car maintenant on va s'attaquer à un sujet un peu plus alarmant, et qui a encore du mal à évoluer dans la conscience collective, les femmes derrière les jeux vidéo. Que ce soit des joueuses ou des créatrices, j'ai vu et entendu énormément de choses péjorativement parlant. Et cela m'inquiète énormément. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde du jeu vidéo, en regroupant joueurs, créatifs et tout ce qui tourne et fait un jeu, est beaucoup plus représenté par les hommes. Et malheureusement, une culture très machiste s'est imposée dans le monde du jeu vidéo. Et bien sûr, on a le droit à tous ces stéréotypes du genre « Oh, si t'es une fille, tu es forcément en petite culotte pour jouer. Les hommes sont meilleurs que les femmes dans le jeu vidéo. Montre tes boobs si tu veux prouver que t'es une vraie femme. Les teams féminines de e-sport sont moins fortes que les teams masculines. » Etc, etc. Et j'entends encore ce genre de truc en 2020. C'est-à-dire à quel point le sujet n'avance pas. voire il stagne presque. Il n'y a qu'à voir les commentaires sous la vidéo du podcast de Gameblog dont je vous ai parlé en début de vidéo pour voir la connerie des gens. Qu'ils soient des hommes ou des femmes, certains font preuve d'une immaturité digne des personnes qui se réunissent encore dans des parcs alors qu'un virus se propage dans le monde entier. Dès que des femmes parlent, de suite elles se font insulter et moquer par toute la gente masculine. Mais dans quel monde vit-on? Des hommes auraient dit exactement la même putain de chose que tout le monde aurait fermé sa gueule. Et c'est pareil en ce qui me concerne, parler de la place des femmes dans le jeu vidéo sera toujours mieux vu qu'une autre critique qui veut en parler car je suis un homme. Et quand je constate ce genre de choses, cela me rend triste pour l'humain qui est déjà pas très intelligent de base, mais qui l'a fait encore preuve de mauvaise foi et de mépris. Les femmes ne sont pas encore vues comme des joueuses à part entière, à part Kayane. Mais bon, si chaque femme doit être une Kayane à son échelle, jamais les joueuses n'oseront s'affirmer en tant que telles. La joueuse est encore vue comme cet ovni, comme ce bout de viande. Oh, si elle joue aussi bien aux jeux vidéo, elle doit sûrement bien jouer avec ce que j'ai entre les jambes. C'est une vraie phrase que j'ai entendue lors d'un tournoi sur un jeu de combat. Elle a du coup un peu rigolé nerveusement, mais elle n'a je pense pas voulu se défendre devant cette majorité d'hommes qui ne rêvaient que d'une seule chose, l'avoir dans leur lit. Le problème c'est que cette femme n'est plus jamais revenue en tournoi par la suite. Le comportement des joueurs est horrible vis-à-vis des femmes, surtout en communauté. Et tiens, en parlant de jeux de combat et de communauté, eh bien parlons de tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir que je faisais partie d'une communauté dont je tairai le nom pour me protéger. J'ai voulu voir leur réaction suite à un tweet que j'ai écrit où je disais ceci. Alors oui, dans ma vidéo sur les femmes dans le jeu vidéo, je vais parler des femmes qui intègrent une communauté de joueurs. Donc oui, je vais parler de la communauté de... qui fait preuve de misogynie ou de comportement malsain par rapport aux joueuses. Malheureusement. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas été très contents de voir tout ça. Et je me suis repris une vague d'insultes et de harcèlement pendant quelques heures, bien sûr. J'ai même dû bloquer une même personne 5 fois de suite sur Twitter. 5 fois. Car quand je la bloquais, elle recréait un compte dans la minute. Fine girl, ou frustrée de la vie, ou bien juste qu'elle a ce besoin que je lui apporte une sorte d'intérêt, je n'en sais rien. Du coup, j'ai pris mes distances. Mais c'est encore une preuve que cette communauté n'est pas fière de ses actes, même quand cela concerne le traitement de la femme dans le jeu vidéo, qui est un sujet important et qu'il ne faut pas mépriser. J'y ai retenu dans cette communauté pas mal de bonnes choses, mais surtout de très mauvaises choses. Mais bon, on va pas s'étaler encore une fois sur le sujet, car vous savez très bien ce qui s'est passé. J'ai donné mon avis et on m'a harcelé pendant un mois sans relâche sur internet et même dans la ville où je vis. Je me suis déjà assez étendu sur le sujet, mais j'y reviens juste pour une chose. Comment est traitée la femme dans une communauté active du jeu vidéo ? En exemple, je vais prendre la communauté dont je tairai le nom, car j'ai pas encore envie d'avoir 50 notifications sur Twitter à mon réveil que j'ai fréquenté. Mais ça aurait pu aussi bien être sur un autre jeu avec une autre communauté, hein. Sauf que moi, j'ai vu de mes propres yeux tout cela avec Tiens, on va leur donner un petit nom à cette communauté. Ils en ont déjà un, mais bon, vous savez, les insultes de leur part pendant des semaines, j'ai assez donné. Les Smaliburixerd. Voilà, comme ça j'ai mélangé 3 jeux de combat en un nom, donc impossible pour vous de savoir qui sont ces personnes. C'est maintenant à eux d'éviter de vendre la mèche, quoi. Bon, bah, ils ont déjà vendu la mèche une ou deux fois, hein, on n'est pas à l'abri d'une troisième. Mais bon, j'espère que ça leur a servi de leçon pour la réputation de leur communauté que je ne veux plus entacher davantage. Après, j'aurais encore pu tirer sur l'ambulance, mais je pense que c'est bon. Hein, table rase, hein, moi j'en ai marre, et je pense que eux aussi. Donc, basse scène et petite censure. Les Smaliburixerd, vous savez pas c'est qui. Alors, ce que je vais dire ne concerne pas tous les Smaliburixerd. Putain, ce nom est génial, que j'ai côtoyé. Il y a des joueurs très respectables avec qui je garde de très bons souvenirs, même s'ils ont retourné leur veste depuis. Mais malheureusement, j'ai retenu beaucoup de comportements déviants vis-à-vis des femmes qui jouaient avec eux. Les femmes sont traitées par les Smaliburixerd comme des trophées, du fait qu'elles ne sont pas beaucoup au sein de la communauté. Et en vrai, eh ben c'est pas plus mal. En les traitant avec du respect, on crée une réputation de communauté qui tire vers le haut les femmes qui jouent à leur côté, et c'est véritablement une bonne chose. Par contre, à voir quelles sont les attentions derrière cette bienveillance envers les femmes qui jouent à un jeu avec une communauté remplie d'hommes. Alors, beaucoup d'entre eux, voire la majorité d'entre eux, s'en foutent, et ne voient pas une femme en elle, mais juste une personne qui joue au jeu. De toute façon, homme, femme, ou autre, hein, on s'en fout de qui tu es le temps que l'on tient une manette, le genre s'efface, et on est tous concentrés sur le fun que procure un jeu. Alors, je préfère qu'on se remette bien d'accord sur ça, hein, parce qu'il y a vraiment des sourds dans cette communauté, mais vraiment des sourds. Tout le monde ne pense pas en mode malveillance extrême quand une fille arrive en tournoi ou qu'elle est dans une communauté de jeux. Il y a des gens très très sympas, et la majorité des gens le sont et sont respectueux surtout vis-à-vis des femmes. Vous m'avez compris et bien entendu. Mais vous le savez sans doute, mesdemoiselles, de par votre expérience au sein d'une communauté, certains ont l'esprit un peu mal placé malheureusement. Quelques-uns aiment discuter avec vous en vous regardant bien droit dans les yeux. Au niveau de votre décolleté, oui, je parle de ces yeux-là. Et encore, si ce ne serait que ça. Mais ils aiment beaucoup vous faire des gros câlins et vous prendre dans leurs bras, surtout quand vous perdez en tournoi devant eux. Car une fille triste, comme dit le dicton, c'est une femme déjà à moitié dans son lit. Et en plus, il est drôle, banco. Attends, c'est ça le dicton? Mais ce genre de joueur aime se descendre mutuellement devant vous pour gagner à vos yeux de la valeur. Eh, t'as vu comment il pue la merde avec sa perso trop nulle? Comment j'ai trop bien joué? Tiens, on trinque à ma victoire du coup. Bref, dites-vous bien que aucunement il ne dit ça sans la présence de femmes aux alentours. Ce genre de comportement ne devrait en aucun cas intervenir quand on parle de jeux vidéo. Les tournois ne sont pas du speed dating ou un club de rencontres. Après, il n'est pas interdit de lui adresser la parole pour essayer d'en apprendre plus sur elle et pour se trouver, je sais pas, bah, des points communs. Et pourquoi pas, bah, par la suite, sortir avec elle. Wouh ! Le temps que c'est bien fait est qu'elle soit consentante. C'est important. Hein ? Les câlins à des filles que vous ne connaissez à peine. Et vous voyez que, bon, elle est un peu rigide, ça veut dire qu'elle est pas d'accord, hein? Non, parce que j'ai vu des trucs, et... Non, ça me gêne, moi, ça me gênait de voir ça. Et j'ai vu ça dans plusieurs communautés différentes. Ça me gênait, et je suis sûr qu'elle était encore plus gênée que moi. Mais attention, hein, toutes les communautés ne marchent pas comme ça. Tiens, en ce moment, je joue à Mortal Kombat, et je rejoins cette communauté aussi bonne qu'hilarante. Pour tout vous dire, bah, je me suis jamais senti aussi bien dans une communauté de ma vie. Il y a de l'entraide, de l'amour, beaucoup d'amour, et encore beaucoup plus, voire énormément de blagues un peu nulles qui font un peu rire pour rien. Une communauté de l'amour, des bisous à vous. Et dans cette communauté, il y a des femmes très actives sur le Discord. Et j'ai mis quelques jours à savoir que ça en était une, pas parce qu'elle formulait toutes ces phrases au féminin en fait. Mais en rien, le comportement des hommes de la communauté de Mortal Kombat ne laissait transparaître une quelconque attaque à la féminité ou autre. Non, juste tout le monde s'en fout que ce soit une femme. Tiens, pareil pour moi de mon côté, je suis un homme. Mais mon pseudo fait très féminin. Nina Memories. Nina Memories, ça fait meuf, on est bien d'accord. Et on m'a pas demandé mon sexe ou autre, hein, de façon maladroite. C'est juste que quand un joueur m'a dit hey « Eh mec !» Bah non, du coup, meuf. Eh hey meuf, Frost, c'est génial en perso, tu verras que là, bah, j'ai dû lui dire que j'étais un mec. Et que fut sa réaction? Bah rien. Il m'a donné des conseils sur la personnage comme il en donnerait à n'importe lequel d'entre vous. Donc ne vous arrêtez pas à une expérience malencontreuse avec une communauté. Car certaines communautés de jeux font tout pour que chacun et chacune trouve leur place. La communauté des Smalibur XRD est malheureusement un exemple à ne pas suivre. Mais il est toujours bon de dénoncer ce genre de comportement dangereux pour les prochaines femmes qui voudront se mettre au jeu à fond. C'est en prenant la parole que l'on se fait entendre. Donc n'hésitez pas à votre tour à dénoncer ce genre de milieu dans lequel vous êtes peut-être. En aucun cas, et je dis bien en aucun cas, votre expérience de jeu doit être entravée par ce genre de choses. Des communautés de joueuses s'organisent déjà entre elles pour pouvoir enfin avoir cette égalité homme-femme dans le jeu vidéo, comme avec Woman in Game qui, je rappelle, a leur site mentionné dans la description de cette vidéo, car c'est important de soutenir un mouvement pareil. Surtout qu'en ce moment, ces femmes font tout pour briser les codes établis. Comme vous l'avez vu, les communautés de jeux vidéo sont loin d'être irréprochables. J'aurais aussi pu parler de la réputation que se tape League of Legends et Counter-Strike avec la gente féminine. Mais grâce à mon expérience avec les Smalibur XRD, j'ai pu voir en une seule communauté les problèmes que doivent surmonter plusieurs femmes qui peuvent, je pense, s'appliquer à d'autres communautés sur d'autres jeux. N'hésitez donc pas à partager vos mauvaises expériences de communauté en commentaire, que vous soyez un homme ou une femme. Par contre, évitons les insultes, même si, je sais, ça doit vous démanger, et ça je le comprends parfaitement. Mais restons respectables en toutes circonstances. Et comme ça, on prouve qu'on est meilleur qu'eux à ce petit jeu-là. La subtilité, c'est important. A votre avis, pourquoi j'ai inventé ce nom improbable? Les Smalibur XRD, quoi. Juste pour ne pas les blesser, j'ai dû faire preuve d'imagination et de censure. Je me suis bien creusé la tête pour ce nom-là au passage. Alors sinon, j'avais aussi pensé à Smalibur Mortal XRD, mais ça faisait peut-être un peu trop long. Mais trêve de balivernes et continuons sur notre lancée. On a parlé des protagonistes féminines dans le jeu vidéo et de leur sexualisation. On a aussi parlé des communautés de jeux vidéo et de comment les femmes pouvaient rencontrer des problèmes. On a dit déjà beaucoup de choses dans cette vidéo qui commence à durer dans le temps. Mais laissez-moi rajouter une dernière chose. On n'en parle que très peu, et même moi je me suis jamais vraiment posé la question à ce sujet avant que le podcast de Gameblog ne me pose cette question. Mais qu'en est-il des travailleuses du jeu vidéo ? Car oui, elles sont bien présentes dans cette industrie lucrative. Alors, quels sont leurs rôles? Dans quelles conditions de travail travaillent-elles? Bon, on va essayer de voir ça tous ensemble. Et pour cela, je vais beaucoup m'appuyer sur les témoignages donnés par ces 4 femmes qui sont intervenues dans ce superbe podcast qui se nomme Mixité et jeux vidéo en 2020 par Gameblog. Oui, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais c'est très important pour la construction de cette vidéo, surtout pour cette dernière partie de sujet. Comme chaque métier, il faut une formation pour pouvoir créer ces fameux supports de divertissement. Et ces écoles sont majoritairement remplies d'hommes. Et de par ce fait, une ambiance très broculture s'installe très facilement, laissant les femmes de côté. Ben moi du coup dans mon école en fait il y a eu du harcèlement, enfin clairement il y a eu du harcèlement notamment sur notre, on a un serveur Discord sur notre école et bah il y a des gens qui faisaient des blagues sur le viol, des choses comme ça. En fait le problème de sexisme et en fait de harcèlement etc, c'était déjà bien avant dans la classe et c'est seulement quand la direction est venue que j'ai osé lever la main et dire bah en fait tous les jours c'est des blagues. Tous les jours, c'est y a une personne qui fait une blague, mais vu que tous les mecs font une blague, et ben genre c'est super chiant. Et il y a un mec qui a dit ouais mais t'as pas d'humour, le fameux t'as pas d'humour. Et plein de comportements différents suite à cette broculture peuvent apparaître. Des blagues misogynes et sexistes sont choses banales dans des écoles de jeux vidéo. Oui, j'ai dit banal, c'est fou que ce mot ressorte. Alors j'ai plus ou moins vécu la même chose de mon côté. Plus jeune, j'ai atterri dans une classe qui n'était remplie que de filles, de par la filière que j'avais choisie. Il était donc assez difficile pour moi de m'adapter et d'appartenir à cette classe, car on n'avait pas du tout les mêmes sujets de conversation, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes idées. Pendant tout le premier trimestre, on se détestait. Je les trouvais immatures et trop impulsives. Mais une fois les vacances passées, nous nous sommes rapprochés car nous avons vu que nous avons en fin de compte plein de points en commun. Elles étaient les premières à s'excuser de leur comportement vis-à-vis de ma personne, car pour elles c'était bien la première fois qu'elles se retrouvaient entre filles et que cela faisait du bien de ne pas côtoyer des garçons en surnombre bien chelous qui ne leur apportaient que de la contrariété. Ils ont vu en moi un garçon différent qui était toujours un peu dans sa bulle car elle ne me laissait pas m'exprimer comme je le voulais. De mon côté, j'ai aussi fait un pas vers elle car le fait de me renfermer sur moi-même était interprété par elle comme un manque de respect vis-à-vis d'elle. Et une fois ce manque de communication réglé, je suis devenu proche de beaucoup d'entre elles. Elles me voyaient comme ce garçon galant que je suis devenu grâce à elles. Les filles étaient contentes de voir que, sans faire exprès, j'avais un instinct protecteur quand il s'agissait de les côtoyer au quotidien. Et moi, de mon côté, j'étais très content qu'elles m'apprennent à voir comment essayer de comprendre une femme pendant ses plusieurs parties de sa vie. Et j'ai surtout appris à respecter un grand groupe de femmes avec des âges différents. Car oui, j'ai oublié de vous dire un truc, j'étais le seul mec dans une école entière. J'avais à cette époque 14-15 ans et je peux vous dire que l'ambiance girly, ça me faisait un peu peur. Quelques-unes d'entre elles adoraient me prendre dans leurs bras pour genre 3 fois rien et me donner des conseils de vie pour ma future copine quand d'autres me snobaient véritablement de par le fait que j'étais un homme. Et en quelques mois, nous avons tous réussi en équipe à rendre nos échanges amusants et respectueux envers les convictions de chacune et de chacun. Voilà, donc des gros bisous à vous les filles, c'est grâce à vous en quelque sorte que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Mais alors, si ça a aussi bien marché avec un groupe de filles, pourquoi ça ne marcherait pas avec un groupe d'hommes en surnombre par rapport à quelques femmes qui fréquentent la même école? Car je peux vous dire que je faisais pas le fier du tout quand au début j'essayais de me faire entendre au milieu de toutes ces filles. Donc, de par ce fait, j'arrive à comprendre cette gênance de vouloir s'imposer au sein d'un groupe composé entièrement du sexe opposé. À mon avis, et je dis bien à mon avis, les femmes ont plus cet instinct de protection. Si un homme reste respectueux envers elle, les femmes arrivent plus aisément que les hommes à faire l'effort d'écouter et donc de comprendre l'homme en sous-effectif. Mais après, il est très dur de parler de tout ça, car aucune personne sur la planète ne connaît la science ultime du rapport homme-femme. Sinon, on vivrait en symbiose parfaite et cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. Woman in Game n'aurait même pas été créée et plus personne ne suivrait une femme jusqu'à chez elle le soir venu dans la rue. Donc, prenez cet avis personnel avec des pincettes. Ce n'est pas car un groupe d'hommes est en surnombre par rapport aux femmes que directement une broculture s'installe systématiquement. Mais dans le média du jeu vidéo, c'est ce que l'on constate pour l'instant. Donc si vous pouvez m'apporter de la lumière à ce sujet, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Surtout si en votre qualité d'étudiant ou d'étudiante dans le jeu vidéo, vous avez des choses à dire, partagez-le pour ouvrir des discussions propices à l'avancement de l'entente entre les sexes opposés au sein d'une même école du jeu vidéo ou non. Mais c'est bon, vous avez enfin fini votre école de jeux vidéo avec toutes les félicitations du jury et vous êtes en ce moment même dans votre robe de fin d'études à lancer votre chapeau pour célébrer l'obtention de votre diplôme. Oui, dans ma tête, les études ressemblent souvent au concept américain, mais je m'égare. Et vous avez postulé il y a peu pour, je sais pas, disons Square Enix France, et youpi, vous avez eu le job en tant que développeuse pour le prochain Final Fantasy. Et il faut le dire, ça a de la gueule sur votre CV. Mais comme je l'ai dit auparavant, l'industrie du jeu vidéo est remplie d'hommes et votre crédibilité est mise à l'épreuve, car dans le monde du travail du jeu vidéo, un homme est toujours plus crédible qu'une femme malheureusement. Alors là par contre, on arrive sur la partie de la vidéo où je m'y connais le moins. Donc je laisse la parole à quelqu'un de mieux renseigné que moi, qui a déjà vécu cette expérience. Par contre c'est vrai que dans l'expérience professionnelle que j'ai actuellement, quand je vais voir du coup des éditeurs, la crédibilité, il faut la montrer. Alors que je sais que si c'est mon associé qui y va, eh bien malheureusement, lui, il n'a rien à argumenter. Voilà, sa parole fait loi. Devoir faire deux fois plus pour j'ai, te oui, faire j'ai l'impression de devoir quand même à chaque fois m'expliquer, devoir argumenter plus que lui. Ce genre de choses n'est pas rattaché que aux jeux vidéo. La preuve avec cet autre extrait de ce même podcast. En fait, des témoignages de femmes qui sont à des hauts postes et qui ont besoin de plus se justifier que les mecs, enfin, il y en a dans des tonnes, en fait, du coup. Mais là, on est tous en droit de se poser la question, pourquoi il n'y a que peu de femmes dans l'industrie du jeu vidéo? Encore une fois, je vous laisse avec ces quatre intervenantes pour vous faire une idée. C'est quelque chose qui s'entretient, le fait qu'il y ait peu de femmes dans le jeu vidéo, c'est aussi parce qu'il y a une absence de modèle, genre, de profil ultra inspirant, mais du coup, ça s'entretient, quoi. Le point qui a été soulevé ici est très intéressant à argumenter. Le manque de figures féminines fortes dans l'industrie du jeu vidéo est un manque pour toutes les futures collaboratrices qui voudront travailler dans ce média. Par exemple, Kayane est pour l'e-sport féminine une figure incontournable qui doit motiver de nombreuses femmes à avancer dans le milieu de l'e-sport. Mais si je vous demandais de citer une créatrice emblématique dans le milieu du jeu vidéo, allez-vous me sortir un nom connu de tous? Eh bien non. Et pourtant, on a tous adoré Ikumi Nakamura. Mais si, vous voyez c'est qui? C'était ce vent de fraîcheur et de joyeuseté pendant la conférence Bethesda qui nous a tous fait sourire à l'E3 2019. Bon bah, ce petit bout de femme là a bossé sur Okami, Street Fighter 4 et Marvel vs Capcom 3. Mais pas que! Elle a aussi travaillé en tant que designeuse sur Bayonetta, et juste après elle a travaillé pour Togo Gameworks, fondée par Shinji Mikami himself, où elle a été nommée artiste principale des deux jeux The Evil Within. Et tellement cette femme fait un boulot extraordinaire sur tout ce qu'elle touche, Shinji Mikami, une légende du jeu vidéo, lui donne les rênes de directrice pour leur nouveau jeu Ghostwire Tokyo qui a l'air d'être foutrement prometteur. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que cette femme a accompli. C'est un exemple pour toutes les femmes qui rêvent elles aussi de faire leur jeu vidéo avec leurs idées et leurs points de vue. Quand c'est Shinji Mikami qui t'offre cette place dans le monde du jeu vidéo, ce n'est pas pour apporter de la diversité homme-femme, non, non, non, non. Il a vu en elle sa relève. Il se trouve que c'est une femme pétillante qui va apporter cette diversité. Vous imaginez si elle fait une carrière aussi prometteur que Mikami? Ce serait fou. Donc, je ne peux être d'accord avec ces quatre femmes malgré la pertinence de leurs propos à ce sujet. Nous avons déjà des femmes dans le jeu vidéo en tant que figure forte. Alors oui, il faut faire un peu plus d'efforts pour trouver des représentantes féminines de l'industrie du jeu vidéo. Mais c'est sur la bonne voie. Et c'est aussi pour ça que je suis frustré de voir que l'E3 de 2020 est annulé, car on avait l'habitude de voir de plus en plus de femmes s'exprimer pendant cet événement. Comment passer à côté de Aisha Taylor, qui était l'animatrice enflammée d'Ubisoft pendant les différents E3 de 2012 à 2016. Nous avons des tas d'exemples, mais il est maintenant à nous d'élever notre conscience pour mettre en avant toutes ces femmes qui travaillent d'arrache-pied, de près ou de loin, sur le média du jeu vidéo. Et c'est sur cette note que je finis cette modeste vidéo qui a pour but de défendre les femmes dans le média du JV. J'aurais pu vous parler un peu plus du e-sport ou des femmes qui partagent du contenu en direct sur toutes ces plateformes que vous connaissez si bien, ou bien encore parler de mes collègues féminines qui, comme moi, donnent leur avis sur un jeu qu'elles ont fait. Mais je garde ça pour plus tard. La vidéo est suffisamment longue comme ça et je n'ai pas du tout envie de me perdre dans ce grand sujet où l'on peut très vite parler de plein de choses différentes en ayant comme seul sujet les femmes dans le jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire, que vous soyez un homme ou une femme, le temps que cela reste dans le respect de chacun. Je sais très bien que ce débat éternel amène souvent à la querelle, mais chaque dispute du genre ne font en rien progresser l'avancement de ce mouvement. Donc restez courtois entre vous et essayez dans votre commentaire de toujours penser à ce but à atteindre. J'ai très peur que la vidéo soit mal reçue, comme le podcast de Gameblog avec des commentaires sexistes et tout ça. Et de plus, j'ai peur que des féministes ne réfutent ce que je dis car pour elles je ne fais pas partie du combat. Bref, c'est avec beaucoup de stress que je sors cette vidéo. J'espère que chacune et chacun y trouveront ses réponses. J'aime pas dire ça car j'ai pas l'habitude, mais partager la vidéo c'est important. Mais surtout, mais alors surtout, donnez de la lumière à toutes ces femmes du jeu vidéo. Woman in Game, Ikumi Nakamura, Aisha Taylor et toutes les autres joueuses ou créatrices que vous connaissez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous en cette période de confinement et n'oubliez pas de jouer à plein de jeux vidéo. Et comme dit Carlos, big bisous. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue. En...